tous les deuxièmes dimanches du mois à 19h sur Radio Dio 89.5. Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième émission confinée d'Auto Radio Dio. On est bien le dimanche 10 mai 2020 et je reste sur les thématiques du manque. Le chat noir, chanté par Aristide Brûlon. La lune était sereine quand sur le boulevard. Je vis poindre ce cèdre qui me dit, cher Oscar, d'où viens-tu, vieille branche? Moi, je lui répondis, c'est aujourd'hui dimanche et c'est de maladie. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon meurtre. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon ventre le soir. La lune était moins claire lorsque je rencontrais mademoiselle Claire, à qui je murmurais, comment vas-tu la belle? Très bien, et vous, merci. À propos, me dit-elle, que cherchez-vous ici? Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon meurtre. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon meurtre le soir. La lune était plus sombre, en haut les chats braillaient, quand j'aperçus dans l'ombre deux grands yeux qui brillaient. Une voix de rogombe me cria, nom d'un chien, que vous y prends, jeune homme, que faites-vous? Moi, rien. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon ventre. Quand on me transporta dans une préfecture où l'on me demanda, êtes-vous journaliste, peintre, sculpteur, rentier, poète ou pianiste, quel est votre métier? Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon ventre. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon ventre le soir. To a gay bar, I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar, gay bar, gay bar. Let's start a war. Let's start a nuclear war at the gay bar, gay bar. comfortable in you. At the gay bar, gay bar, gay bar. Ce soir, je vais vous passer des morceaux qui parlent des bars, des bistrots, des troquets qui rouvriront on ne sait pas quand. C'est au lieu de la vie en dehors de la maison, des lieux où l'on boit mais aussi où on se rencontre, on se retrouve. On profite de la ville, de la vie, de la vue. J'ai mis longtemps à réussir à sortir juste pour me promener sans avoir l'objectif de finir par boire un café ou un demi place Jean Jaurès. J'attends avec impatience leur réouverture en écoutant là en tout premier Aristide Bruand avec la Ballade du chat noir, une des premières chansons françaises enregistrées qui date de 1895 et qui parle d'un cabaret. Et ensuite c'était Peaches avec Gay Bar et on enchaîne avec les Doors. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. We've lost our good old moon. Must have whiskey. Et c'était dur de pas passer de Hoy, donc c'était Histoire d'un bar de Hors Contrôle. Et juste avant, les Brixton Cats avec Le Comptoir. Et avant, Alabama Song des Doors. On enchaîne sur une chanson d'ACDC qui s'appelle Have a Drink on Me. Les membres du groupe qui l'ont écrite en dédicace à leur chanteur, qui est mort étouffé dans son vomi. Du coup, bon, on espère que personne d'autre ne s'est étouffé sur cette chanson depuis. We'll be right back.

y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises, y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler, à boire. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Café, tabac, où les brunes et les blondes s'habillent dans du riz la croix. Je t'écris du café, tabac, de la rue Pablo Picasso, là où les clients se noient dans des carafes sans eau. La rue Pablo Picasso, c'est pour honorer son nom que les poivrons voient des tableaux monochromes de Picon. C'est pour honorer son nom que les cubistes du Cubi se saoulent et se saouleront jusqu'au tréfonds de la nuit. Zakata kata kata kata kao, zakatai, zakatai, zakata kata kata kata kao, zikatun katun katun katun tsu, zakata kata kata kata kao, zakatai, zakatai, zakata kata kata kata kao. Les cubistes du Cubi, frères ennemis de la misère, ce Picassoïs ainsi avec la tête à l'envers, frères ennemis de la misère, l'écumeux buveur de fruits marrés d'alcool dans un verre qui se vide et se remplit. L'écumeux buveur de fruits avec l'envie de plus rien, avec leur vieux chapeau gris sur leur vieille tête de vieux chien, avec l'envie de plus rien, juste l'envie de partir, mais trop cher le prix du train, ils partent à coups de kir. Zakatai, zakatai, zakatai, zakatai, avec l'envie de partir, avec le compte von Zeppelin, station taxi, station mire, station métropolitain, avec le compte von Zeppelin, dans des fumées en cerceau, ils voyageraient plus loin qu'avec leur maître Douzeau. Dans des fumées en cerceau, je t'écris pas du bout du monde, dans des fumées en lasso, je me lie à tout ce monde, je t'écris pas du bout du monde, je t'écris du café tabac, où les brunes et les blondes s'habillent dans du riz la croix, où les brunes et les blondes s'habillent dans du riz la croix. On a d'abord écouté Pigalle avec Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, avec dedans du coup François Hadji Lazaro qui joue aussi dans Les Garçons Bouchers. Et c'était suivi d'une autre chanson qui s'appelle Café Tabac de Nicolas Jules, ce chanteur célèbre dans le Poitou. Et on va lentement glisser vers la gente féminine et le thème du bar comme lieu de repère. Servir en bougeant autour de moi, je sentirai l'odeur de sous tes bras et même tes cheveux gras, de l'odeur des frites me feront rêver, et c'est 10 fois que je recommande, fais monter la pression, je lis. Et pendant que tu y es, mais y a un peu de piquant, fais monter la pression, Julie. Il est même plus question d'oubli. Allez, serre-moi. Encore une fois, serre-moi. Si tu plantes tes yeux dans mon ivresse, en essuyant tes verres avec tendresse, et que petite sœur de malheur, oh, tu éveilles en moi l'inceste. Je ne te parlerai pas de ma femme, qui est partie même pas pour un autre. Et je ferai tout pour que tu croies, oh, que je suis un homme libre. Fais monter la pression, Julie. Et pendant que tu y es, mais y a un peu de piquant, fais monter la pression, Julie. Il n'est même plus question d'oubli. Allez, serre-moi. Oh, oh, oh, encore une fois, serre-moi. Ce sera pas la dernière fois. Et si toi aussi t'en as marre, et que tu te seras servi au comptoir, dans la belle brochette de baveux, quand tous la même couleur au fond des yeux, et que tu m'emmènes chez toi, oh, juste parce qu'il fait chaud et qu'il n'y a vraiment rien d'autre à foutre. Un jeu de baiser, un instant pour instant, un crachat dans le néant, juste pour pouvoir dormir enfin d'un sommeil. Pendant que tu y es, mais y a un peu de piquant, fais monter la pression, Julie. Il est même plus question d'oubli. Allez, serre-moi. Oh, oh, oh. Encore une fois, serre-moi. Oh, tout contre toi, et à mille bornes de l'espoir, mais comblé pour un soir, et à mille bornes de l'espoir. Oh, oh, oh, me combler pour un soir. Pour un soir. Quand tu iras à Paris, je te donnerai un mot que tu voudras bien porter à mon petit bistrot. C'est là-bas, rappelle-toi, qu'on s'est connus, lui et moi. Ce jour-là, son cœur m'a fait le plus beau des cadeaux. Ce bistrot plein de fumée et pas fier pour un sou était habillé de joie pour tous nos rendez-vous. Dans les rires et les cris, notre amour vivait sa vie. C'est fou comme on était bien, si bien qu'entre nous. Nous avions tous deux peu d'argent, mais devant un verre de vin blanc, nos deux cœurs dansaient sans arrêt au bal du printemps. Je revois ce bal des beaux jours, j'entends cette java d'amour qu'un accordéon sans façon égorgonnait toujours. Et puis je ne sais pas pourquoi un jour il est parti, en emportant dans ses mains un coin de mon paradis. Il ne m'a jamais écrit, et depuis mon cœur s'ennuie, seul comme une enfant perdue, perdue loin de Paris. Quand tu iras à Paris, donne-lui ce petit mot, car mon cœur garde l'espoir qu'il reviendra bientôt. Si l'amour qu'il a pour moi est le même qu'autrefois, mon cœur devra son bonheur à mon petit bistrot. Si l'amour qu'il a pour moi est le même qu'autrefois, mon cœur devra son bonheur à mon petit bistrot. Si l'amour qu'il a pour moi est le même qu'autrefois, mon cœur devra son bonheur à mon petit bistrot. C'était Lucienne Delisle avec Bistrot qui nous raconte cette histoire un peu désespérée, mais qui nous rappelle aussi le bon vieux temps où le bar servait de lieu de rendez-vous et de point de repère, où on déposait des messages, on pouvait laisser des clés, où quand on envoyait une carte postale au bar, elle était pour tout le monde, où

manquait un tourtereau. Soudain se sent pousser des ailes, il voit passer sa tourterelle au ciel d'un Beaujolais nouveau. Une blonde décolorée, entre ses doigts criblés de bagues, maltraite un vieux flipper malade. Le chat s'endort sur la télé, et chacun dans son désert, dans le reflet de son verre, se regarde en tout petit, petit. Petit Naéo, eh oh, veut pas rentrer au dodo. Blanche-Neige, elle est bien trop lasse, fait l'amour à la grimace. Alors on est mieux au bistrot d'Eldorado. Au comptoir, un clodo radote et le patron essuie ses verres. Un néon fatigué clignote au-dessus du billard désert. La machine à café soupire, dehors il fait froid, on hésite et l'on songe au bord de sa cuite. À ses lâchetés à venir, et chacun dans son désert, dans le reflet de son verre, se regarde en tout petit, petit. Petit Naéo, eh oh, veut pas rentrer au dodo. D'ailleurs Blanche-Neige a mis les bouts, et avec le grand méchant loup, ils vont ouvrir un grand bistrot, l'Eldorado. Il y a bien longtemps, je servais des canons de rouge aux potes à maman. Ça s'enivrait à la gloire du kir et des communards, rêvant du grand soir. Je me souviens de Vassiliev, parti en 17 à Kiev, donner vie au rêve. Pauvre Moudjik, qui autrefois possédait pas même tes mains, il ne te resta qu'un bras, au moins c'était le tien. Guérosignol, cerise et carmagnol, quel cœur et quelle lutte rechante. Ces luttes pour ressusciter les rouges du bar de l'étoile rouge. C'est en 36 que Pablo s'en alla bâtir l'avenir et les châteaux sur le Guadalquivir. Il tomba sous la mitraille en braillant à plein poitrail, ay Carmel, ay. Puis Anna chez Benito a fait changer le tempo. Oh bella ciao, ciao, ciao. L'hymne eut raison de l'idole, botte en l'air et né au sol, mais toutes ces cabrioles rendirent Anna folle. Et mon index trempé dans le Jerez, sur le mur blanc traça nos passages. En hommage à tous les rouges du bar de l'étoile rouge. Au bar de l'étoile rouge reste plus que moi, une vieille que les canons de rouge ne mettent plus en joie. Il y a toujours sur le mur et crie le cri des purs et durs. Mais chacun s'en moque, non pas sa rance du passé, me disent des clients pressés, faut changer d'époque. Mais même si ce goût de goulag dans mon verre en cristal de Prague m'a tiré des pleurs, l'avenir est-il si radieux que l'on oublie celles et ceux qui l'ont rêvé meilleur? Anna, Pablo, Vassiliev, de là-haut, de tout frère, que le bar, même tard, restera Piaf avec Mon apéro, et puis ensuite Michel Bernard avec L'Eldorado, et enfin Juliette avec L'Étoile rouge. Comme quoi, je suis pas la seule à être nostalgique. Et d'ailleurs, en parlant de nostalgie, je voudrais conclure cette émission sur un hommage au bar duquel je suis le plus nostalgique, qui a une grande part dans mon éducation, on va dire, qui s'appelait la Casamance à La Rochelle et qui a fermé depuis bien trop longtemps. Et notamment un endroit où il y avait des super soirées du Nouvel An qui finissaient par des mix de DJ Naz qui passaient pas mal de trucs que je passe dans les émissions là, ou dans les booms du samedi soir qu'on vous a concocté pendant tout le long du confinement avec les potes de Radio Rageuse. Et il y a eu un an, un nouvel an sur une thématique spermicide où est né le Grand Orchestre National de l'Ouest qui nous a fait cette splendide chanson sur laquelle on se quitte qui s'appelle « If My Sperm Was Gold ». Like a sauce on my ships, you have some sperm on your lips. Sperm on your lips. Like a fog in the air, you have some sperm on your hair. Sperm on your hair. You have some sperm. On your hair, the sperm on your hairs. je vous ai pris la main. J'avais déménagé dans la rue de Madrid. J'ai froid. Vous m'avez prêté votre manteau. Nous avons bu un café sans lait. J'aime le lait. Je n'aime pas le lait. J'ai tiré le rideau. Vous avez allumé la radio. Gérard chantait Berlin. J'ai envie de voyage. J'ai vomi dans le train. Est-ce que vous m'aimez? Vivez-vous toujours au Caire? Avez-vous des nouvelles de Nadège? Pardon, je ne savais pas. Elle m'a donné cette lettre. It was so fun. Il y a deux ans. It was so fun. It was so fun.